الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أيها الناس قد سمعتم في الجمعة الماضية خطر البدعة وخبث أهلها ألا وأعلم رحمني الله وإياكم أن من أخبث البدع وأخطرها على الفرد والمجتمع على البلاد والعباد وهي أقدم البدع بدعة الخوارج بدعة الخوارج فلا بد أن نتفقه في صفاتهم ليتبين على الجميع خطرهم على الأمة فالعلماء قديما وحديثا اهتموا ببيان حال الخوارج يقول العلامة عبد الرحمن بن حسن حفيد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله وأما أهل البدع فمنهم الخوارج الذين خرجوا على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وقتلوه واستباحوا دماء المسلمين وأموالهم متأولين في ذلك وأشهر أقوالهم تكفيرهم بما دون الشرك من الذنوب كفروا الصحابة رضي الله عنهم لما جرى من الاختلاف بينهم ويطعنون في ولاة أمورهم تنفير ثم تكفير ثم تفجير والخلاصة لتعلم من هم الخوارج هم الذين يكفرون أهل الإيمان بما ليس بمكفر شرعا يكفرون ولاة الأمور ويخرجون عليهم بالكلام أو بالسيف والفعال كما قال العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى هؤلاء هم الخوارج أما صفاتهم فالخوارج لهم صفات تميزهم عن غيرهم من أهل البدعة والفرقة وإن سموا أنفسهم بأسماء مختلفة تلبيسا على العامة وأولى الفرق التي ظهرت في زمن الصحابة هي الخوارج وأصلهم ذو الخويسرة الذين أسى الأدب مع نبي الرحمة المصطفى صلى الله عليه وسلم اعترض ذو الخويسرة على تقسيمة النبي صلى الله عليه وسلم للغنيمة كما أخرج الإمام مسلم رحمه الله تعالى في باب ذكر الخوارج وصفاتهم عن جابر بن عبد الله قال أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رجع من حنين وفي ثوب بلال فضة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقبض منها ويعطي الناس فقال أي هذا الرجل يا محمد اعدل، وفي رواية يا محمد اتق الله اعدل. قال النبي صلى الله عليه وسلم ويلك ومن يعدل إذا لم أكن أعدل، لقد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل. فقال عمر رضي الله عنه دعني يا رسول الله فأقتل هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم معاذ الله أن يتحدث الناس أني أقتل أصحابي، وإن هذا وأصحابه يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون منه كما يمرق السهم من الرمية، فلهم اجتهاد ولهم تلاوة لكتاب ربنا، ولهم صيام ولهم عبادة، لكنهم مقيمون على بدعة وضلالة، والبدعة تمحق البركات وتفتح على أصحابها السيئات والمصيبة والضلالات. ما يفهمون القرآن والسنة على فهم سلف الأمة كالصحابة رضي الله عنهم أجمعين والأئمة المتبوعين. ومن صفاتهم قتالهم لأهل الإيمان، يقتلون أهل الإيمان. عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من ضئد هذا قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. ومن صفاتهم الغلو في الدين، الغلو في الدين، لهم غلو في العبادة، يتجاوزون الحدود الشرعية. قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة تحقرون أو يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم، وصيامه مع صيامهم، وقراءته مع قراءتهم. عباد الله، هؤلاء الخوارج ظهروا كمذهب وفرقة ضالة في آخر خليفة عثمان بن عفان رضي الله عنهم أجمعين، فخرج فتكاتبوا عليه وخرجوا من مصر ومن أماكن شتى، ثم توجهوا إلى المدينة باسم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فحاصروا عثمان رضي الله عنه المبشر بالجنة، المبشر بالجنة ذا نورين رضي الله عنه. دخلوا بيته وهو صائم تال للقرآن، دخلوا عليه وهو مع أهله وضربوه بسيوفهم، وقتلوا الخليفة الراشد الثالث عثمان رضي الله عنه. ثم في زمان علي رضي الله عنه تكاتبوا عليه وقتله عبد الرحمن بن ملجم. قالوا إن عليا ترك حكم الله وحكم الرجال، فكفروا عليا وكفروا معاوية وطلحة والزبير وغيرهم من الصحابة أجمعين. فهؤلاء هم الخوارج، لهم غلو. ومن صفاتهم أنهم سيبقون إلى خروج المسيح الدجال، من صفاتهم أنهم يكفرون بالكبائر بما هو دون شرك، كأنهم تناسوا قول الله سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فيجتهدون لكن لا يفهمون النصوص فهما صحيحا فهم الصحابة، فهم كما قال ربنا سبحانه وتعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أعاذنا الله وإياكم من طريقة الخوارج المارقين عن دين الله رب العالمين. ومن صفاتهم أنهم شر الناس، أنهم شر الناس. سئل عبد الله ابن عمر رضي الله عنه عن الخوارج فقال: هم شرار الخلق، هم شرار الخلق. فالغلو والبدعة شر كله، الغلو والبدعة شر كله. لا تقل إنما هي زيادة صغيرة في القراءة أو في الصوم، فإن البدعة الصغيرة تصبح بعد حين كبيرة خطيرة. ولما ابتدع قوم ذكرا جماعيا أنكر عليهم عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه، فقالوا: يا أبا عبد الرحمن، ما أردنا إلا الخير. فقال لهم: كم من مريد للخير لم يصبه. يقول التابعي عمرو ابن سليمة أحد التابعين: رأينا عامة هؤلاء يطاعنوننا يوم نهروان مع الخوارج، أي هذه البدعة الصغيرة، الزيادة في ذكر الله والاجتماع على ذكر الله بصوت واحد، صيرهم بعد حين من مع الخوارج يقاتلون أحسن الناس على قيد الحياة. الصحابة الخوارج تركوا نصوص الرجاء وتمسكوا بنصوص الوعيد. فرد عليهم العلامة شيخ الإسلام والمسلمين إمام الدعوة والدين محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وقال: تركوا نصوص الرجاء وتمسكوا بالخوف، غلوا في نصوص الخوف وتركوا نصوص الرجاء. ومن صفاتهم عدم التفاتهم إلى أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وفهم الصحابة، واكتفائهم بزعمهم بالقرآن الكريم. ومن صفاتهم طعنهم في علماء السنة وتكفيرهم لهم. النصحاء يتكلمون في كبار العلماء كابن باز وابن العثيمين والألباني وغيرهم كثير، والآن يتكلمون في المفتي شيخ عبد العزيز وفي صالح الفوزان وصالح اللحيدان وشيخ عبد المحسن العباد وغيرهم كثير، يزهدون الشباب عن أخذ العلم عن علماء السنة. فإذا تفرقوا ومالوا عن صحبة العلماء تمكن هؤلاء الخوارج من عقول الشباب فضلوا وأضلوا. يقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن: لهم عبادة وزهد، لكنهم أخطأوا في فهم الكتاب والسنة، واستغنوا بجهلهم عن أن يأخذوا العلم عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن صفاتهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. لما لم يرجعوا إلى الصحابة أخذوا العلم عن الصغار، عن أمثالهم من الجهال، فخرجوا عن طريقة الإسلام الصحيح واعتزلوا المسلمين. ومن صفاتهم تكفير المسلمين بما لم يكفره الله سبحانه وتعالى ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن صفاتهم الخوض في الأمور بغير علم ولا حلم، يتدخلون في السياسة وفي شؤون الحكم وليسوا أهلا لها. ومن صفاتهم أنهم أهل فتن، يدمرون العباد والبلاد ويأخذون أموال الناس بالباطل. ومن صفاتهم صغر سنهم وقلة فهمهم للنصوص، قال النبي صلى الله عليه وسلم سفهاء الأحلام أي كناية عن قلة العلم والحلم حدثاء الأسنان أي هم صغار. هذه بعض أوصاف الخوارج أعاذنا الله سبحانه وتعالى وإياكم من طريقتهم، وأسأل الله سبحانه وتعالى العزيز الجبار أن ينتقم منهم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. La semaine passée, nous avons parlé de la gravité de l'innovation et de l'égarement des innovateurs et de leur danger sur la communauté et l'ensemble des pays. Sachez que parmi les innovations dans la religion d'Allah Azza wa Jal les plus néfastes, l'innovation des Khawarij, cette secte qu'on appelle Al-Khawarij. Il nous faut connaître leurs caractéristiques afin de pouvoir nous en prémunir, nous éloigner de ces gens et mettre en garde nos jeunes et plus âgés contre cette secte égarée. Le grand savant Abdurrahman ibn Hassan, qui est le petit-fils de Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullahu ta'ala, nous dit, quant aux gens de l'innovation, il y a parmi eux les Khawarij, qui sont sortis et ont combattu le responsable des croyants, Ali ibn Abi Talib. Ils l'ont assassiné et ont rendu licite le sang des musulmans, leur argent. Tout cela dû à une mauvaise compréhension des textes de leur part. Et la parole la plus connue des Khawarij est qu'ils rendent mécréants les musulmans par des péchés qui sont en dessous du polythéisme. Ils ont donc rendu mécréants les compagnons, du fait que les compagnons divergeaient entre eux. Lorsqu'il y a une divergence entre Muawiya et Ali, radiallahu anhuma, Ali ibn Abi Talib a chargé Ibn Abbas et d'autres parmi les compagnons d'arranger ces histoires. Ils ont donc dit, Ali ibn Abi Talib a délaissé le Coran. Et il a pris comme juge des hommes en délaissant le jugement d'Allah. Ils ont donc dit, Ali est un mécréant. Muawiya a agréé ce jugement, c'est donc lui aussi un mécréant. Et ils se sont mis à rendre mécréants les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les meilleurs des hommes sur la terre à leur époque. Donc, pour définir les Khawarij, il y a deux grandes bases. La première est qu'ils rendent mécréants les musulmans qui commettent des grands péchés, même si ces péchés sont inférieurs au polythéisme et à la mécréance. Leur deuxième caractéristique est qu'ils critiquent ouvertement et en cachette les gouverneurs musulmans, se rebellent contre eux et sortent contre eux, que ce soit avec les armes ou que ce soit avec les paroles, ou encore en manifestant. En ce qui concerne les caractéristiques de ce groupe innové, les Khawarij, ils ont de nombreuses caractéristiques. Certaines leur sont propres et d'autres communes entre eux et d'autres parmi les sectes de ceux qui s'affilient à l'islam. Ils ont pour nom Al-Khawarij, car ils sont sortis contre les gouverneurs. Ils ont pour nom également Al-Haroura, car Al-Haruriyya, car ils se sont unis dans cet endroit, car ils se sont éloignés des musulmans, des habitations des musulmans, pour se réunir dans cet endroit qu'on appelle Al-Harura. Donc ils ont plusieurs noms, afin de tromper la masse des musulmans. Mais celui qui connaît leurs caractéristiques ne se laissera pas duper. Et au jour d'aujourd'hui, ce qu'on appelle Daesh font partie des Khawarij. Ce qu'on appelle Daesh font partie des Khawarij. Ils sont sortis à l'époque de Uthman, à la fin du califat de Uthman. Abdullah ibn Saba, qui faisait apparaître l'islam alors qu'il était hypocrite, a monté les gens contre Uthman, a menti sur Uthman, et a affecté les gens de Misr, a affecté les gens de l'Égypte, les gens d'Irak, et il a menti sur les compagnons. Ils se sont donc réunis et se sont dirigés en direction de Médine. Ils se sont dirigés en direction de Médine afin d'agresser et d'assassiner le gouverneur qui était à l'époque Othman ibn Affan radiallahu anhu. Si mes souvenirs sont bons, en 35 après l'Égypte. Dans un premier temps, ils l'ont empêché de sortir de chez lui. Et ils lui ont coupé tous les vivres. Ils lui ont fait un blocus, ont empêché l'eau d'arriver chez lui. Puis, ils ont escaladé sa maison. Ils sont entrés chez lui. Il était ce jour-là en état de jeûne. Il avait entre les mains les livres d'Allah, subhanahu wa ta'ala, il lisait le Coran. Il était accompagné de son épouse. Les compagnons ont voulu le secourir et le défendre. Mais Othman était trop préoccupé par la préservation des âmes des musulmans. Contrairement à ce que font Daesh au jour d'aujourd'hui, ils font couler le sang injustement. Donc Othman a dit aux compagnons de rester chez eux, afin qu'il n'y ait pas dans la ville du prophète sallallahu alayhi wa sallam d'effusion de sang. Il a agréé le destin, il a agréé le jugement d'Allah Azza wa Jal, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui avait dit: tu entreras au paradis suite à une grande épreuve qui te touchera. Suite à une grande épreuve qui te touchera. Ils ont donc escaladé ces murets. Ils sont entrés chez lui, il était en état de jeûne et lisait le Coran. Il était accompagné de personne, si ce n'est de son épouse. Ils sont arrivés, l'ont agressé alors qu'il était très âgé. Ils n'ont pas eu de pitié pour cette personne âgée. Ils n'ont pas eu de pitié pour le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et l'un d'entre eux a levé son épée. L'un d'entre eux a levé son épée et il l'a touché à la tête. L'épouse de Othman s'est mise devant Othman pour le protéger. Ils n'ont pas eu de pitié envers cette femme. L'un d'entre eux a mis un deuxième coup, elle a mis sa main, ils lui ont coupé les doigts. Ils lui ont coupé les doigts, radiallahu anha. Puis ils ont assassiné Othman. Après avoir fait cela, ils ont dit: son sang nous est halal. Alors son argent aussi. Ils se sont mis à piller les richesses. Lorsqu'ils sont venus, ils ont dit: on veut le jugement d'Allah. Mais en réalité, ils cachaient dans leur cœur l'amour de la dunya et du désordre. Plus tard, ils sont sortis à l'époque de Ali ibn Abi Talib. Ils se sont unis pour combattre les compagnons après les avoir rendus mécréants. Et Abdurrahman ibn Muljam, le pire d'entre eux, a assassiné Ali ibn Abi Talib. Et il ne cesse de disparaître et de revenir, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à ce que Al-Masih al-Dajjal apparaisse parmi nous. Voici qui sont les Khawarij. Comment après cela certains peuvent les secourir et faire leurs éloges? Comme on trouve certains prêcheurs de l'égarement sur la chaîne Al-Jazeera qui disent que ce sont des Mujahidoun, qui disent que ce sont des gens qui veulent rétablir le califat, qui disent que ce sont des gens pieux. Kadabtum l'amrullah. Ces prêcheurs sont des prêcheurs de l'égarement, comme nous avait prévenu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans Sahih Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous décrit ces gens en nous parlant de leur ancêtre qui se nomme Dhul Khuwaysira. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était avec Bilal à son retour de Hunayn et Bilal avait de l'argent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam prenait de cet argent pour le redistribuer aux gens. Il y a alors cet homme qui est venu qui a dit: oh Muhammad, sois juste dans ton partage, tu n'as pas été juste. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu: malheur à toi, et qui pourrait être juste si je ne le suis pas moi-même? Si je ne le suis pas moi-même, qui pourrait être juste? Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aux compagnons: il y aura de sa descendance des gens, lorsque vous écouterez leur lecture, vous minimiserez la vôtre. Et lorsque vous les verrez jeûner et prier, vous allez avoir honte de vous-même. Ce sont donc des gens qui ont beaucoup d'adoration. Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, lorsqu'il a entendu cela, a dit: ô messager d'Allah, ô messager d'Allah, permets-moi d'en finir avec lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: qu'Allah nous en préserve. Veux-tu que les gens disent que Muhammad tue ses compagnons? Veux-tu que Muhammad dise que les gens tuent ses compagnons? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a préservé l'image que pourraient avoir les gens de l'islam. Alors que les Khawarij au jour d'aujourd'hui ne se soucient guère de cela. Il nous faut donc connaître les caractéristiques des Khawarij. Parmi leurs caractéristiques, l'exagération dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dépasse les limites qu'a fixé Allah Azza wa Jalla dans le Coran ou que nous a enseigné le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il ne se contente pas de prendre le Coran et la Sunna selon la compréhension des pieux prédécesseurs, mais il dépasse les limites et se considère meilleur que les autres. Ils sont comme Allah nous dit dans le Coran, ne vais-je pas vous informer de ceux qui ont les plus mauvaises des actions, ceux qui pensent faire du bien, ceux qui pensaient faire du bien dans ce bas monde, alors qu'ils sont égarés, alors qu'ils se sont égarés, ils ont exagéré dans la religion, ils ont pris une partie des textes et n'ont pas compris une autre, ils ont rendu mécréants les musulmans qui faisaient des grands péchés, même si ces péchés-là étaient inférieurs au polythéisme. Alors qu'Allah nous dit dans le Coran, certes Allah pardonne tous les péchés, ou plutôt certes Allah ne pardonne pas le polythéisme, certes Allah ne pardonne pas qu'on lui donne quelque associé, mais en dessous de cela, il pardonne à qui il le veut. Donc celui qui rencontre Allah le jour du jugement dernier, ayant des péchés en dessous du shirk, en dessous de la mécréance, sera sous la volonté d'Allah. Si Allah veut, il lui pardonnera. Et s'il le veut, il le châtiera. Puis sa finalité sera au paradis. Les Khawarij ne disent pas cela. Ils disent que celui qui fait un grand péché, ou certains parmi les grands péchés, sort de l'islam. Et s'il meurt dans cet état, il ira éternellement en enfer. Ils sont donc sortis de la voie des compagnons. Ils ont pris les textes sur la crainte et ont délaissé les textes sur l'espoir. Voici comment ils se sont égarés. Parmi leurs caractéristiques, le fait de parler en mal sur les savants de la Sunna, le fait de dénigrer, de mépriser, d'insulter, de critiquer les savants de Ahl Sunna. Ils disent d'eux que ce sont les savants du pouvoir. Ils disent d'eux qu'ils taisent la vérité. Ils disent d'eux qu'ils sont faibles et sont peureux. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ces gens-là ont suivi la voie du shaitan et des hypocrites du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam en parlant sur leur gouverneur et en parlant sur leurs savants. Et lorsqu'ils ont mis dans le cœur des jeunes le fait que les savants sont mauvais, les jeunes s'éloignent de leurs savants. Et lorsqu'ils s'éloignent de leurs savants de Ahl Sunnah, à ce moment-là les Khawarij peuvent embrigader nos jeunes. Peuvent embrigader nos jeunes car nos jeunes n'ont plus vers qui se tourner parmi les savants de Ahl Sunnah. Donc dans un premier temps, ils enlèvent la confiance des savants. Puis, ils embrigadent nos jeunes. Parmi leurs caractéristiques, le fait qu'ils sortent de la droite, de la religion de la droiture. C'est-à-dire qu'ils ne restent pas sur le chemin des compagnons, le chemin sur lequel les a laissés le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit qu'ils sortent de la religion comme la flèche transperce la proie sans jamais y retourner. Comme la flèche transperce sa proie sans jamais y retourner. Donc ces gens-là, lorsqu'ils sortent de la sunna, c'est rare qu'ils y reviennent pour se repentir. Car leurs innovations les poussent à faire toujours pire. Parmi leurs caractéristiques, le fait de rendre mécréants les musulmans parce qu'Allah n'a pas cité dans le Coran, ni le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la sunna. Parmi leurs caractéristiques, le fait de rentrer dans les histoires politiques. Ils rentrent dans des questions qui ne les regardent pas, qui concernent les gouverneurs, comme le font certaines personnes de la masse. Ils discutent de politique et disent tel gouverneur a raison et tel a tort, et rentrent dans ce qui ne les concerne pas, alors qu'ils ont été créés que pour adorer Allah Azza wa Jal, et pour la plupart d'entre eux ignorent les règles de la purification et de la prière. Parmi leurs caractéristiques, le fait qu'ils sèment le désordre sur la terre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsqu'ils sont conseillés, ils disent « Innama nahnu muslihoun » « Nous ne sommes que des réformateurs ». Parmi leurs caractéristiques, c'est qu'ils sont jeunes en âge. Et ils n'ont pas de compréhension des textes. Ils ont de la dureté qui est mal placée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Ce sont des gens qui ont un manque de raison et qui ne prennent pas de recul dans les affaires ». Ce sont des gens qui sont jeunes. Et c'est ce qu'on voit de nos jours. Ils sont jeunes en âge, n'ont pas étudié auprès des savants et se réunissent auprès de jeunes gens égarés comme ils le sont eux-mêmes. Il nous faut donc revenir auprès de nos savants, de ceux dont la barbe a blanchi au pied de leurs propres savants, dans l'étude du Coran, dans l'étude de la Sunna, dans l'étude de la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parmi leurs caractéristiques, le fait de critiquer leur gouverneur et de lever les armes contre eux. afin de prendre eux-mêmes le gouvernement. Comme ont essayé de le faire les Ikhwan al-Muslimi en Égypte. Ils disent, on va prendre le pouvoir pour mettre la loi d'Allah. Et lorsqu'ils prennent le pouvoir, ils sèment le désordre sur la terre. Ils font couler le sang. Ils pillent les richesses appartenant aux musulmans. Wa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Parmi leurs caractéristiques, le fait qu'ils soient les pires dans la création. Abdullah ibn Omar, le fils de Omar ibn al-Khattab, a été questionné sur le Khawarij. Il a répondu, ce sont les pires des gens. Ce sont les pires des gens, c'est-à-dire parmi ceux qui s'affilient à l'islam. Lorsque Abu Umama a marché à Dimashq, proche de la mosquée, il a vu des têtes coupées posées sur les escaliers de la mosquée. Subhanallah. Puis il s'est mis à dire, Kilab al-Nar, ce sont les chiens de l'enfer. Parmi leurs caractéristiques, le fait qu'ils soient les chiens de l'enfer. Abu Umama s'est exprimé ainsi, le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, ce sont les chiens de l'enfer. Kilab al-Nar, sharru qatla tahta adim al-sama. Ce sont les pires gens qui seront tués sous ses cieux. Wa khayru qatla man qatalou. Et le meilleur de celui qui sera assassiné, celui qui sera mort sous leurs épées. Puis il a récité Yawm tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. Le jour il y aura des visages noircis et des visages resplendissants jusqu'à la fin du verset. Puis un tabi'i qui l'a entendu dire ce hadith lui a dit, est-ce que tu as entendu cela du messager d'Allah? Et il lui a dit, je l'ai entendu 7 fois du messager d'Allah. Aw kama qala Abu Umama. Donc ce sont les chiens de l'enfer. On le dit haut et fort. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, ce sont les chiens de l'enfer. Et la semaine passée, une personne dans la khutbah s'est mise en colère et sortie en nous insultant. Car on expose la vérité. Lorsque tu m'insultes, cher frère, qu'Allah te guide. Et je t'excuse car je sais que tu es ignorant. Tu es ignorant de la religion d'Allah et tu es ignorant de la voie des khawarij. Et je demande à Allah Azza wa Jal d'adoucir ton cœur par la vérité et de te guider à la sunna sur laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam a laissé ses compagnons. Et cette personne insulte les gens de la sunna en disant qu'il aime, ce sont des chiens. Subhanallah, ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit qu'il khawarij, qu'il aime un nar. Ce sont les khawarij qui sont les chiens de l'enfer. A'adhanallah wa iyyakum min tariqatil khawarij. Parmi leurs caractéristiques, c'est qu'ils ne cesseront d'exister jusqu'à la sortie de Al-Masih Ad-Dajjal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit à chaque fois qu'une corne sera coupée, ou bien qu'un groupe disparaîtra, il y aura un autre groupe. Il y aura un autre groupe jusqu'à la sortie de Al-Masih Ad-Dajjal. Voici certaines des caractéristiques de Al-Khawarij. Qu'Allah nous préserve de suivre leur chemin. Prenez garde à toute innovation. Et tout particulièrement à l'innovation des Khawarij. Prenez garde tout particulièrement à l'innovation des Khawarij. Que ce soit ceux qui sont en Irak, que ce soit ceux qui sont en Syrie, ou qui sont dans d'autres parmi les endroits. Particulièrement le groupe Daesh, qui sont les initiales de Ad-Dawlatul Islamiyya fil Irak wa Sham, l'État islamique qui marque l'union des gens de l'Irak et des gens de Sham. Ces gens-là font partie de la secte de Al-Khawarij. Donc ne pensez pas du bien d'eux. Il est interdit de penser du bien des Khawarij. Qu'Allah nous préserve de l'ensemble des gens de l'innovation et qu'il purifie les rangs des musulmans de l'ensemble des innovations et de l'ensemble des innovateurs. Il y a plusieurs personnes qui sont malades et qui vous demandent de faire dua pour eux. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يمن عليهم بالشفاء. Et tout particulièrement le fils d'un des grands prêcheurs qui se nomme Abu Hashim, qui a son fils de 3 ans et les médecins viennent de découvrir une tumeur sur son enfant de 3 ans. نسأل الله سبحانه وتعالى أكرم الأكرمين الذي وعلى كل شيء قدير أن يمن عليه بالشفاء وعلى جميع المسلمين والمسلمات وصل اللهم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أكبر الله أكبر أشهد لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله استغفر الله سد الخلل وهذا بين المناكب واستوى تراس هذا بين المناكب والأقدام استوى لا تختلف وتختلف قلوب resserrez les rangs. Dépassez les lignes et resserrez les rangs afin de pouvoir faire entrer vos frères et sœurs. Dépassez un peu les lignes, resserrez les rangs et alignez-les chez les hommes et chez les femmes. تقدموا قليلا. استووا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.